vécu de mon enfance. Paris 18ème pris en cours. Depuis le temps passé, entends-tu les bruits qui courent? Fusillade, pute qui pendent leurs fesses et CRS. Drogue, tape, gueule, bédo, voilà pourquoi je stresse. J'avais des bêtes de potes fiables, pas comme des capotes. Toujours du sport, toujours ensemble, pas besoin d'oseille. Toujours dehors, même en décembre, toujours happy face. Les mecs, je vous aime, je vous oublie pas, je pense à mon succès. Merci Bouba, Mamadou, Diès, Youssouf et Funati. Nissan, je t'ai pas oublié, pour moi vous êtes ici. Dans ma chair, dans mon cœur, dans mon âme, amen. Quand je parle de vous, ça me fait du bien, j'ai plus mauvaise haleine. Je suis idem, toujours le même, je mange toujours sa banane. Je suis idem, toujours de scène, ma vie, je dégaine ce thème. Merci à vous tous, je viens pas vous tous. C'est Sunji, c'est freestyle, ici c'est bien ou pas. Je rigole, je pleure, je rigole, je fais du sang en cœur. J'avance, recule à l'allure, j'avance, cette putain de mes cœurs. J'en veux au sort qui nous sépare, qui marque mon histoire. Je sais que c'est triste, ça, mais c'est pas ça le plus. Dans ma tête, tant de tristesse, man, j'ai plus d'espoir. Relève-toi, man, et pense à l'avenir. Ok, je suis là, je me bats. Je vous oublie pas, faites comme moi, on se reverra, les gars. Mes amis, mes cousins et mes cousines, mes copines, mes classes, mes ex et mes ennemis. J'aimerais tant tous les revoir, ensemble se taper des barres, en tirant sur un gros bar. Y'a pas de hasard ici-bas, une vie mélancolique qui sonne tel un piano bar. Ne reste pas à bout, relève-toi toujours, c'est Sunji et Boogie pour la bonne raison.